Voilà. Donc je te donne le micro, Philippe, qui va donc nous parler pendant l'heure qui vient d'arrogance et d'ignorance. Merci. Merci de me donner la parole. Alors, je vais essayer de chauffer un petit peu la salle, puisqu'on n'est pas très nombreux encore. peut-être rendre un petit hommage à la place. À l'Amérique qui a fait un effort pour rendre la place aux citoyens, aux passants, aux joueurs, aux enfants, aux adultes, à tout le monde. J'ai regardé la plaque qui porte le nom de cet endroit, la terrasse Émilienne Moreau-Évrard, que je connaissais pas ce nom, et je m'aperçois que c'était une résistante, donc c'est quelque chose qui me va très bien. Je pense que ici c'est un lieu de résistance, puisqu'on peut dire ce qu'on veut, s'écarter un petit peu des grands schémas, des discours des grands médias qui sont un peu formatés quand même. Donc ça me fait vraiment plaisir de prendre la parole ici, et je remercie les bénévoles du réseau qui ont mis ça en place, pour une activité très démocratique. Alors je vais démarrer, faut que je parle plus fort peut-être pour que faire venir du monde. Bon, alors l'arrogance et ignorance. Donc c'est un thème. Alors je ne sais pas, étant donné qu'on ne parle pas en tant que représentant d'un métier, etc., est-ce qu'on se présente quand même? Est-ce que je me présente Ouais. À ma guise, d'accord. Je ne parle pas en spécialiste, je ne suis pas professeur, je n'ai pas écrit de livre, je ne suis pas quelqu'un de plus ferré que beaucoup d'autres. Je suis simplement un citoyen engagé dans la vie associative, donc dans la vie politique. Forcément, l'associatif, c'est le politique au meilleur sens du terme. Quand même spécialisé dans l'éducation publique, les droits de l'homme, le vivre ensemble. Un terme qui devient bateau, mais qui a réellement un sens. À ce titre d'ailleurs, j'ai organisé en janvier dernier une conférence débat Laïcité vivre ensemble dans un lieu que beaucoup connaissent, je pense, le village de Dammartin-en-Goële. J'aurai l'occasion d'en reparler un tout petit peu plus tard. On en parle beaucoup en ce moment, puisqu'il y a eu l'inauguration de la nouvelle imprimerie CTD. Le président de la République s'est déplacé, et donc c'est un endroit que je connais, où j'ai des contacts, où on a organisé quelque chose à ce propos. J'ai souhaité partir d'un voyage que j'ai fait cet été, un voyage un petit peu à contre-courant, puisque je suis allé dans un pays qui n'existe pas, puisqu'on n'en parle jamais, sauf quand il y a la guerre. Donc c'est une façon de s'évader un petit peu des sentiers battus. Et puis ça va donner un petit fil conducteur, au moins pour le démarrage de ce que je veux essayer de dire. Effectivement, mois d'août, je suis parti voyager dans un pays, même dans deux pays, je suis passé dans un autre pays, deux pays qui sont considérés comme européens. Culturellement, c'est ce que dit Wikipédia, et qui sont également considérés comme européens par notre ministère des Affaires étrangères. Là, vous allez sur le site du ministère et vous voyez que ces deux pays, dont je ne vais pas dire le nom tout de suite pour faire travailler la matière grise. Je suis allé voyager là-bas pour découvrir ce dont on ne nous parle jamais, et je peux vous dire que j'étais bien récompensé. Donc je vous laisse mijoter un petit peu là-dessus. Donc le thème ignorance et arrogance, c'est un sujet évidemment très délicat. Donc je vais essayer d'être le plus arrogant possible, mais si possible en mode mineur. Et je remercie par avance la nombreuse foule qui m'écoute de rester aussi en mode mineur, parce que donc je ne suis pas spécialiste, et donc je suis très ignorant et forcément un peu arrogant par moment. Voilà, ça c'est un petit peu l'introduction si on veut. Bon, j'ajoute quand même, vous avez déjà commencé à le remarquer, que j'aime la polémique, provoquer le débat, voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Ça fait partie de ma vie, comme pour beaucoup de personnes en fait. Alors, à l'intérieur de ce thème ou à côté de ce thème, il y a le thème de la sémantique que nous utilisons. Notre sémantique représente profondément notre manière de penser. La sémantique que nous adoptons va conditionner notre pensée. Et c'est pour ça que depuis quelques années, je ne sais plus qui m'a influencé là-dessus, mais j'ai trouvé que c'était excellent, j'ai décidé de ne jamais utiliser la sémantique de mes adversaires, les personnes qui pensent très différemment de moi, auxquelles je m'oppose par mes idées. Je refuse d'employer leur sémantique, sinon je tombe dans leur façon de penser et dans ce qu'ils veulent m'imposer comme idée, comme vision du monde, comme vision de la société. Voilà, donc ça ne veut pas dire que je parle une langue étrangère, mais que j'utilise des mots de la langue française si possible, et qui ne sont pas toujours ceux du pouvoir politique, des grands médias, voire des petits d'ailleurs, qui sont quelquefois pires, etc. Au sujet de la sémantique et des médias, que je vais égratigner un petit peu, même si je les utilise beaucoup, je les aime bien. À propos de Dammartin et Goël, donc, où les deux frères Kouachi ont terminé leur vie sans jamais être jugés, hein, ils ont été liquidés directement, ce qui est pour moi une grande atteinte à la démocratie. On ne peut pas dire que quelqu'un est coupable quand il n'a pas été jugé, sinon on n'est plus dans un état de droit. On dirait que c'est passé un peu inaperçu dans notre pays, ça, mais je le dis, et peut-être que je pourrais pas le dire n'importe où. Alors, il y a un petit journal local qui disait Dammartin terrorisme. Ça, c'est le titre. Aujourd'hui, à Dammartin en Goële, Michel Catalano, entouré de personnalités locales, a posé la première pierre des futurs locaux de son imprimerie qui va être reconstruite après l'attaque terroriste en janvier 2015. Voilà, ça, c'était au printemps, je crois, de cette année, ce petit article. Donc, après l'attaque terroriste en janvier 2015. Imaginez la précision de cet article. Alors, bon, mon sang n'a fait qu'un tour, c'était tellement énorme. J'ai écrit ce petit journal, s'appelle Mac Journal 77. Dammartin et Goële se trouve en Seine-et-Marne, et dont la directrice de publication travaillait ou travaille toujours à La Marne, le journal La Marne qui est lu dans le nord du département de la Seine-et-Marne et un petit peu au-delà. Donc je lui ai fait remarquer qu'il n'y avait jamais eu d'acte de terrorisme à Dammartin et Goële. Il y avait juste deux personnes supposées terroristes qui avaient fui, qui s'étaient retrouvées, qui s'étaient réfugiées dans une imprimerie et qui avaient même été soignées. Il y en a un qui était blessé, qui avait été soigné par le patron de l'imprimerie. Donc j'ai écrit, il n'y avait jamais eu ce genre de choses à Dammartin et Goële. Et elle a pris le soin de me répondre, Hélène Rousseau, elle m'a dit « Bonjour, nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez au journal, ainsi que pour votre remarque absolument justifiée, cordialement. » Voilà. Bon, enfin, ça, c'est un petit journal qui peut peut-être se permettre de pas être professionnel. Je pense que notre société actuelle, au niveau politique, présente un aspect très peu brillant, ce qui me fait dire que, voilà, on va arriver sur le sujet de l'arrogance. Par exemple, actuellement, nous avons un président de la Commission européenne qui a été ministre des Finances du Luxembourg de 1989 à 2009, et pour une partie de ce temps, il a été premier ministre également du Luxembourg, il cumulait les portefeuilles, en 1995, président de la Commission européenne. Or, le Luxembourg est un paradis fiscal qui blanchit par définition toutes sortes de fonds déposés dans ces banques. Donc c'est quand même très gênant, on va dire. Bon, autre exemple, on a eu Tony Blair un peu auparavant, après avoir été Premier ministre. Et il a été propulsé dès son départ de son poste de Premier ministre, représentant au Proche-Orient du Quartet, qui est l'organisation des Nations Unies, de l'Union Européenne, des États-Unis et de la Russie, alors qu'il avait participé à la guerre en Irak en toute connaissance du mensonge des armes de destruction massive. Et donc, il était largement responsable, co-responsable de la destruction de ce pays d'Irak, de ce malheureux pays d'Irak. Alors, on peut continuer la liste rapidement. Gerhard Schröder, dès qu'il a terminé, il a passé ses 18 mois de délai. Il travaille pour Gazprom, la société russe qui contrôle une grosse production de pétrole, et de gaz, évidemment, et qui, bon, c'est utilisé comme une arme politique également. Bon, on connaît un petit peu tout ça. On a eu Monsieur Barroso, qui vient de partir, qui est parti tout récemment chez Goldman Sachs. Goldman Sachs ayant truqué les comptes de la Grèce faisant partie de l'Union Européenne. Et on sait maintenant, de façon certaine, qu'il avait décontacté trois lors de son mandat avec Goldman Sachs. Alors justement, au moment où je révisais un tout petit peu mon papier hier, hein, j'ai remis un petit peu la main à ce que j'avais écrit, j'entends effectivement à la radio, on me le souffle, que Connie Hedegaard, c'est ainsi qu'elle s'appelle, ancienne commissaire européenne chargée du climat, des questions du climat, qui je crois est danoise, enfin elle est scandinave en tout cas, je ne suis pas certaine, mais elle est scandinave, peu importe d'ailleurs, elle était commissaire européenne chargée du climat. Elle va travailler pour Volkswagen, qui est largement compromis dans une publicité mensongère avec des réglages truqués pour ses moteurs diesel. Bon, et elle annonce qu'elle va le faire gratuitement. Donc là, on nous prend vraiment pour des imbéciles. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on me prend pour un imbécile, en tout cas. L'Union européenne a un sacré coup dans l'aile. Et c'est peut-être un petit peu pour ça que je réagis en tant que citoyen, à nous de prendre la parole, à nous de faire quelque chose à la base pour reprendre un petit peu possession de nos esprits et de nos actions. Je suis parti voyager là-bas dans des pays d'Europe assez lointains. Et la personne qui était avec moi, c'était une dame. On lui a dit, oh, mais c'est dangereux là-bas. Voilà, donc elle s'est un peu inquiétée. On en a parlé, enfin, on a communiqué par mail parce qu'elle n'habite pas ici. Finalement, j'ai réussi à la persuader, mais on a fait un petit détour par un pays voisin. Il se trouve que là-bas, nous sommes sentis en sécurité toujours et partout. C'est-à-dire sécurité pour nous, pour nos personnes, sécurité pour nos affaires, absolument partout, on s'est senti en sécurité là-bas, ce qui n'est pas le cas en France. Donc là, vous sentez venir le thème de l'arrogance, on croit toujours que c'est mieux ici, quand on ne connaît pas ailleurs, ou quand on n'a qu'une lorgnette qui est braquée uniquement sur ce qui ne va pas dans d'autres pays. Voilà, ça remet un petit peu les choses à plat, c'était une très bonne expérience pour nous. Donc, l'arrogance, je pense qu'elle naît du sentiment de connaître plus que d'autres, de faire partie d'une société supérieure. Donc là, on arrive au racisme sans même s'en rendre compte. Sans même s'en rendre compte, je pense. Il y a quelque chose de plus basique, peut-être, c'est le fait de posséder davantage. Ça donne, on est arrogant parce qu'on a une grosse voiture, parce qu'on a une vie plus confortable, on a des métros qui circulent toutes les 3 minutes, etc. Et ça, je dis, c'est l'arrogance des parvenus. Voilà, on aurait pu vivre dans un autre pays et souvent, on ne sait pas forcément de quoi on parle ailleurs. Alors, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier quand même, l'arrogance de ceux qui possèdent la vérité révélée. qui veulent l'imposer aux autres. Donc je ne précise pas, voilà, il y a des gens qui ont la vérité révélée, donc forcément ils veulent l'imposer, c'est eux qui ont raison, c'est comme ça. Donc là on entre dans le confort de la facilité, la recherche de la domination, l'absence de recherche, je ne sais pas, intellectuelle, voilà, la facilité. Voilà, il y a une autre, la dernière peut-être que j'ai notée, façon d'être arrogant, c'est d'avoir un esprit critique plus développé que les autres, et ça c'est peut-être un tout petit peu mon cas. Donc peut-être que quelqu'un me le dira, oui, non, enfin bon, c'est pas impossible, on va dire. Alors, donc, l'arrogance est surtout déterminée par l'ignorance de l'autre. Au niveau le plus basique, on pourrait dire que c'est la pensée tribale. Ce qui est en dehors de la tribu, c'est pas bon, c'est un étranger, on ne le connaît pas, on ne veut pas le connaître, c'est un ennemi. Mais finalement, on ne veut pas le rencontrer. Et par opposition, j'ai remarqué depuis longtemps que les personnes qui savent beaucoup sont généralement très modestes. Il n'y a pas d'arrogance, la plupart du temps, des savants, des gens qui ont vraiment beaucoup de savoir, qui ont beaucoup étudié, qui ont beaucoup réfléchi, avec humanisme. Voilà, ça serait un petit peu la preuve que la connaissance est bien à l'opposé de l'arrogance. Donc ça serait une façon de... être arrogant, dans ce cas-là, ça serait un manque de recul sur soi-même, afin de se croire supérieur de façon très facile. Je me souviens d'un bref échange avec Théodore Monod. Donc, je pense que tout le monde ne le connaît pas parce que bon, il a déjà terminé sa longue vie. C'était un grand savant qui a parcouru les déserts africains dans tous les sens. Un grand humaniste. Il a écrit pas mal de bouquins, ce monsieur, et alors, d'une simplicité biblique, j'ose dire, parce qu'il était chrétien. On s'était rencontré dans un congrès pacifiste. Et je me suis trouvé, enfin je suis allé le voir, me suis trouvé avec lui et on a parlé de végétarisme. À l'époque j'étais végétarien et on parle de ça deux minutes. Il me dit moi aussi, mais je mange du poisson et je ne devrais pas. Vous voyez la modestie du bonhomme. C'était Théodore Monod quand même. L'arrogance, fille de l'ignorance, on a tendance à avoir la certitude en France et en Europe. J'ai mis des guillemets à Europe, je vous dirai pourquoi ensuite, d'être parmi les mieux informés, les plus instruits. Et en fait, nous sommes tous ignorants de beaucoup de choses, forcément, parce qu'il y a beaucoup trop à connaître. Nos visions du monde sont extrêmement conditionnées, très conditionnées, et quand nous opinons sur un thème quelconque, notre arrogance éclate facilement pour ceux qui peuvent l'avoir. Donc on est rarement arrogant sans être ignorant. Notamment du fait que l'on est arrogant. Quand on est arrogant, on ne peut pas s'en rendre compte. Quand on est prétentieux, on s'en rend difficilement compte. Ce sont les autres qui s'en rendent compte. Sinon, si on en prenait conscience, on commencerait à devenir plus modeste. Donc je le disais tout à l'heure, le langage que nous utilisons est la marque de notre cadre de pensée et des influences dont nous ne parvenons pas à nous libérer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas subir d'influence, mais il faut pouvoir s'en dégager. Nous avons une forte tendance à être le centre du monde. On disait que autrefois c'était la Chine, l'empire du milieu. Je pense que nous les Occidentaux, nous sommes le centre du monde. Nous pensons comme tel. Donc, le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, maintenant, depuis pas mal de temps, on l'appelle l'Europe. L'Europe. Et il n'y a plus de distinction entre l'Europe Union européenne et l'Europe géographique. Je trouve ça très très gênant et très arrogant. Je vais vous dire pourquoi. Bon, on a la Grande-Bretagne qui vient d'opter par référendum pour la sortie de l'Union européenne et donc qui bientôt ne fera plus partie de la maison. Donc j'en conclus, d'après la façon de penser de tous nos politiques, de tous nos médias, je crois, enfin quasiment tous, et de beaucoup de gens du coup, que la Grande-Bretagne va se trouver dans un no man's land. Bon, c'est vrai qu'elle ne faisait pas vraiment partie de l'Union européenne, hein, il y avait deux grandes exceptions fondamentales, mais donc la Grande-Bretagne ne fera plus partie de l'Europe, alors je ne sais pas où elle sera. Et alors, dans la foulée, ben, je vais vous en donner une ribambelle que j'ai notée. Je vais essayer de les retrouver parce que je les ai notées. Ça fait rien, de mémoire, oui. Dans le no man's land européen, on a donc la Suisse, la Serbie, le Monténégro, la Norvège, la Macédoine, l'Ukraine, hein, qui est un pays quand même plus vaste que la France. Ça fait quand même beaucoup de superficie et beaucoup de monde, tout ça. Et la Russie, dont la partie européenne occupe près de 40% de la surface de l'Europe. Et donc elle est presque équivalente à celle de l'Union européenne avec la Grande-Bretagne. La partie européenne de la Russie est presque aussi importante que la superficie de l'Union européenne. Donc quand on dit l'Europe, c'est quand même très très gênant. On rejette en dehors de nous des pays tout à fait européens, mais qui font pas partie du club. C'est un mode de supériorité inconscient, je pense. Je pense que c'est inconscient. Alors, on a la même chose aux États-Unis depuis très longtemps. Hein, les États-Unis, c'est l'Amérique. Ça veut dire que le reste, c'est un peu du tout venant. L'Amérique latine, faut préciser. Voilà. L'Amérique fait ceci, l'Amérique fait cela. Ben non, parce qu'il y a des pays qui font pas ceci, cela. Ça ne veut pas dire que les États-Unis ne font que des choses mauvaises, mais c'est très grossier, je trouve, comme vision du monde. Donc moi, je dis les États-Unis. Je dis jamais l'Amérique pour parler des États-Unis. Et pour l'Europe, qui nous concerne un peu plus, je parle de l'Union européenne. Et quand je parle de l'Europe, c'est l'Europe géographique historique. Il y a un certain nombre de choses qui découlent de ça. Nos médias sont polarisés de façon extrême sur les entités les plus arrogantes, finalement, dans le monde. Alors, je vais donner un exemple que je trouve terrible. C'est celui des primaires aux États-Unis. Le feuilleton des primaires états-uniennes, il a commencé, j'avais noté à date, oui, le 6 août 2015. Ça fait largement plus d'un an qu'on nous bassine presque tous les jours avec les primaires aux États-Unis. C'est totalement délirant parce que pendant qu'on parle de ça, et c'est pas juste des entrefilets de 20 secondes à la télé ou 5 lignes dans vos quotidiens, c'est quelque chose de développé à chaque fois. Bon, quel est le problème de ça? D'abord, c'est pas forcément très intéressant d'analyser les derniers trucs que sont envoyés les candidats républicains entre eux. Pas toujours, en tout cas. Pendant qu'on parle de ça, c'est bête à dire, on parle pas d'autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, on efface tout un tas d'informations. On les anéantit. Des informations positives, intéressantes, concernant, soit des choses qui se passent dans le même pays, aux États-Unis, c'est un grand pays, il s'y passe aussi des choses intéressantes, soit dans beaucoup d'autres pays qui sont relégués à pas grand-chose. Vous allez voir qu'on va rejoindre ce thème un tout petit peu plus loin, bien que je sois pas très loin de la fin de mon petit exposé. Il y a un autre inconvénient dans cette histoire des primaires, c'est qu'il y a deux autres candidats dont on a presque pas entendu parler. Vous avez le duel là maintenant réduit à Clinton-Trump, mais vous avez deux autres candidats, et moi pendant tout un moment je ne le savais même pas, je l'avais oublié, je ne le savais pas en fait. Alors donc, je vous dis leur nom si vous ne les connaissez pas. Il y a Gary Johnson, qui est un libertarien. Bon, c'est un libertarien et il est encore plus ignorant de la politique internationale que l'était Bush, le fils Bush. Je vous rappelle que le fils Bush n'était jamais sorti de son pays avant d'être élu président. C'est quand même extraordinaire. Le pays le plus puissant de la planète, qui intervient le plus dans le monde, était dirigé par quelqu'un qui ne connaissait pas le reste du monde. Et alors lui, Gary Johnson, dans un débat télévisé tout récent, on lui a parlé d'Alep. Il était perdu, le pauvre monsieur, qu'est-ce que c'est ? Il n'a pas demandé si ça se mangeait, mais il ne savait absolument pas de quoi on lui parlait. Alep, vous savez, en Syrie, la plus grande ville d'Alep, avec les bombes qui tombent dessus. Il était perdu, le pauvre monsieur. Bon, alors ça, c'est Gary Johnson, c'est le troisième candidat. Et il y a un quatrième candidat, c'est Jill Stein, c'est une dame, qui est une candidate écologiste, dont on ne parle absolument pas. Alors, moi, ce que je dis, c'est non seulement le feuilleton, comme je disais, des primaires, efface tout un tas de sujets dont beaucoup sont très intéressants, mais en plus, il efface les autres candidats, qui, eux, n'appartiennent pas à un grand parti, qui peut se permettre de faire des primaires avec plein de fric, etc. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même une atteinte à la démocratie parlementaire, enfin, élective. Alors là, je vais finir par une petite attaque contre nos dirigeants. En 2013, le 3 juillet 2013... Il y a un président de la République, le malheureux, il est latino-américain. Il a été empêché de rentrer chez lui normalement. Il revenait de Moscou et il se rendait en Bolivie, son pays, c'était Evo Morales. Il a été stoppé à Vienne parce que la France, tout d'un coup, a dit « Stop, vous ne pourrez pas vous poser chez nous, vous ne pourrez pas survoler notre territoire, pas d'escale technique, parce que vous savez pourquoi, hein ?» les États-Unis, on arrête Morales, il doit y avoir Edward Snowden dans son avion. Donc, comme un vulgaire malfrat, on l'a bloqué. Il est resté à Vienne, il a dormi dans un hôtel à Vienne. C'est complètement fou. Et à votre avis, est-ce qu'il y a eu des excuses de la diplomatie française ? Non. Il y a eu des regrets. Des regrets. Vous savez qu'un petit président latino-américain. Alors, un dernier exemple... Eh ben, c'est Sarkozy qui est intervenu, comme ça vous verrez, je tape pas que d'un côté, qui est intervenu en Libye avec une armée payée par nos impôts, qui a totalement détruit ce pays avec l'aide des États-Unis, avec l'aide de la Grande-Bretagne, etc. Alors que la Libye était un pays qui retenait les migrants subsahariens qui viennent vers chez nous. Donc sur le plan simplement stratégique, c'était totalement stupide, puisque ça provoquait, les gens sont partis en tous les sens, mais ça provoquait aussi des migrations vers chez nous, et évidemment beaucoup de morts en Méditerranée. C'est complètement affolant, enfin, c'est tellement irresponsable, tellement stupide comme action sur ce plan-là, que je pense que ça méritait d'être souligné. Bon, vous savez aussi que quand la Libye a explosé, les armes sont parties de tous les côtés, et les armes sont parties notamment au Mali, elles ont dû aller au Niger, un petit peu partout, ce qui a provoqué, ce qui a donné des forces à Daesh, à ce genre de forces, et justifié une nouvelle intervention de la France au Mali. Voilà. Mais on allait là-bas pour la démocratie, c'était comme en Libye, on y allait pour la démocratie, bravo. Le pays est totalement en ruine actuellement, les gens se battent entre eux, voilà. Donc je termine, l'insuffisance des médias, la polarisation des médias qui reprennent les éléments de langage des politiques, qui se concentrent sur des choses qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt, donc j'ai donné un exemple précédemment, aggrave notre ignorance, et en aggravant notre ignorance, elle aggrave notre arrogance. Quel est l'échappatoire pour moi ? C'est l'esprit critique, bien sûr. Personnellement, moi j'essaye de sortir des sentiers battus, donc en allant découvrir des pays inconnus, la terra incognita, et tout en gardant un œil et une oreille sur les opinions qu'on avance le plus souvent. Il n'est pas question de s'isoler, mais de s'évader et de tracer son chemin. Voilà. Alors j'ai fait l'impasse sur le nom des deux pays, mais bon, vous pouvez me le demander si vous souhaitez. J'ai terminé. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va ouvrir la séance de débat et d'échange. Donc, qui veut prendre la parole par rapport à ce qui vient d'être dit? Moi, j'ai quand même la question, c'est quoi les deux pays en question? Alors, les deux pays en question sont la Géorgie, avant tout, et l'Arménie, où j'ai passé quelques jours également. Ils sont considérés comme européens, en grande partie parce qu'ils font partie du monde chrétien, on va dire. Ce sont les premiers pays chrétiens historiquement. En Arménie, il y a le premier site, le premier monastère chrétien se trouve en Arménie. Ça doit être la principale raison. C'est une façon de les rattacher à l'Europe, qui peut se discuter, mais enfin, c'est comme ça. Merci. Donc, il y a des questions? Alors, monsieur. Alors, je sais pas si... Hop. Non, je vais poser des questions. Jamais les Américains sont intervenus en Libye. Premier point. Second point. On parle depuis au moins un an du fait qu'on a, par exemple, en France, Sarkozy, Fillon, ça fait plus d'un an qu'on en parle. Et puisqu'on parle, pourquoi est-ce qu'on parle d'Orban depuis plus d'un an, etc. Alors, donc votre démonstration, elle tombe à l'eau. Parce qu'en fait, si on est intervenu en Libye, c'est une erreur, c'est sûr. Mais est-ce que vous êtes pour les djihadistes ou vous êtes contre les djihadistes? Parce qu'en Libye, il n'y a que ça. On le sait, EL s'est implanté à Sirte. Alors donc, vous êtes professeur. Enfin, en tout cas, les États-Unis, on s'en fout, ils sont 52 États, les États-Unis. Et si quelqu'un ne connaît pas, il y a Sanders aussi dont on peut parler. Mais si, par exemple, Bush ne connaît pas, il n'empêche qu'il y a des gens qui connaissent très bien. Et alors, le fait de ne pas voyager en dehors des États-Unis, c'est, pour vous, c'est un crime. Mais ça, c'est pas un crime. On peut très bien connaître les 52 États, on peut connaître Puerto Rico, la Floride, etc. Alors, écoutez, je vais vous dire franchement, quant à Evo Morales, s'il a été arrêté, c'est parce qu'effectivement, il était avec les Équatoriens, avec celui qui était actuellement président de l'Équateur. Evo Morales a été chassé parce qu'il était contre la grève du Potosi, où on prenait de l'argent. Il était contre les grévistes du Potosi. Donc alors il faut arrêter, alors là, on parle simplement des... On en est là, à la constellation du complotisme, le plus total. On ne parle pas des États-Unis comme c'est quand même la première puissance au monde, que l'on veuille ou pas. Et d'une, c'est pas la Russie, c'est pas M. Poutine. Alors on crache sur les Américains, je veux bien, mais on peut cracher sur Poutine également. Quant à Evo Morales, M. Snowden, qui était soi-disant peut-être dans l'avion de M. Evo Morales, il a demandé aux États-Unis d'avoir l'habeas corpus pour être libéré de ce qu'il a et rentrer chez lui. Pourquoi? Il est un peu comme les gens qui vont chez Daesh, de rentrer chez eux parce qu'ils sont pris en otage par ces gens-là, un point à la ligne. Alors, il faut arrêter un peu de dire que les États-Unis, c'est la GN. Au revoir. Je crois pas que... Enfin, moi, je n'ai pas entendu la même chose que vous, mais bon. Après, je rappelle pour les échanges... Je rappelle que, donc, juste des petites règles, parce que ça, je les ai pas rappelées, les règles. L'idée, c'est effectivement de débattre, donc de pas forcément être d'accord, mais de pas d'essayer d'être constructif. Non, mais je suis pas sûre. Enfin, je laisse répondre le principal intéressé. Merci. La guerre en Libye, les États-Unis sont venus en appui, hein. C'est la France qui a lancé le BINS, mais les États-Unis sont venus en appui. Je le précise, c'est vrai que j'avais pas été suffisamment précis, mais bon, monsieur n'écoute pas. L'histoire des mines de Potosi, c'est tout à fait autre chose, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'il y a eu un conflit entre Morales et les mineurs à Potosi, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé quand la France a bloqué comme un petit garçon devant l'organisation des États-Unis et de l'OTAN, un président de la République légitimement élu et très bien élu en plus. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques, puisqu'on est là pour débattre et pas forcément pour être d'accord? Oui, c'est le principe du débat. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire sur l'arrogance des États-Unis et le fait qu'on parle des primaires depuis je sais pas combien de temps, alors qu'on pourrait parler de plein d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. même si les États-Unis c'est la première puissance du monde, il y a plein de pays où on pourrait parler aussi, et on pourrait aussi dénoncer ce que font les États-Unis comme saloperie, comme par exemple leur intervention en Irak qui a foutu le bordel, comme vous avez parlé aussi de l'intervention des Français en Libye comme arrogance, que le monsieur a pas très compris, je crois. Enfin bon, il est venu juste aussi. Monsieur aussi était arrogant, je crois un peu. Je crois que c'était un bon exemple d'arrogance aussi. Là, il est parti. Hein. Ouais, il est même pas venu pour. Il est juste venu faire le malin et puis il est reparti, quoi. Donc bref, à propos d'arrogance, on pourrait aussi parler de Français aussi qui voulaient virer Monsieur Bachar el-Assad. Moi, je trouve ça très arrogant, quoi. Je vois pas en quoi ils ont à s'immiscer dans la politique de la Syrie. C'était pas mal d'ailleurs quand les Français étaient plus dans l'OTAN d'ailleurs, parce qu'au moins ils se sont pas mêlés de la guerre en Irak, ce qui a été une bonne chose, comme on a vu comment ça a tourné, hein. 1 500 000 morts, je rappelle quand même, et puis Daesh, etc. Hein. Daesh est arrivé aussi en Syrie, hein. Je ne sais pas quel était le rôle des Français là-dedans, mais il est un peu bizarre quand même aussi, je les trouve très arrogants, ouais, encore. Et à propos des présidentielles, on pourrait aussi parler des présidentielles françaises et des médias qui ne parlent que des grands candidats, qui ne parlent jamais des petits candidats, on ne sait pas pourquoi. Alors ils nous disent que c'est parce que c'est des petits candidats, mais s'ils continuent à jamais en parler, évidemment ce sera toujours des petits candidats, quoi. Enfin bon, voilà, ça c'est pareil, c'est un peu bizarre, hein. Enfin, sur l'arrogance, il y a encore plein de choses à dire, je pense, hein. Voilà. Bah alors moi j'ai pas vraiment de questions, mais en fait c'est juste pour du coup ça fait bien réfléchir sur l'arrogance en fait. Et je distingue du coup enfin, je distingue du coup l'arrogance par exemple des États-Unis comme on parlait ou l'arrogance d'une personne. Donc je fais bien la distinction entre les deux. Mais bon, c'est marrant parce que du coup j'étais en train de me dire par exemple un État il va être arrogant par limite par nécessité. Enfin, si ce n'est par volonté, par nécessité, par rapport au système dans lequel il est, en fait, enfin, sa politique, du coup, il a limite nécessité d'être arrogant. Et du coup, ça m'a fait penser que peut-être que la personne aussi, en fait, a nécessité des fois d'être arrogant. Enfin, comme tu as dit, là, c'est une facilité. Ça peut être une facilité. Et donc, pourquoi pas aussi, des fois, ça peut être une nécessité, en fait, dans certaines situations. Du coup, c'est une manière de s'en sortir, d'être arrogant. Et voilà, enfin, c'est ça que j'entends par nécessité. Mais tu as des facilités, ça me va. Et c'est tout. Je voulais dire plein de choses, mais j'ai pas encore l'ordre. Voilà. Ah oui, alors, moi naturellement, comme je suis français, c'est pour dire que je suis pas d'accord et pour râler. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis pour trouver de l'arrogance. En France aussi, à Paris aussi. Et moi, je crois que c'est surtout une question d'argent. Parce qu'aujourd'hui, la seule chose qui compte, c'est d'avoir de l'argent. Et pour faire voir à quelqu'un qu'on est riche et que lui, il est pauvre, il faut être arrogant. Et c'est pas seulement du point de vue de l'argent. C'est-à-dire, c'est une question de supériorité, de prétendue supériorité. Parce que je vois des enfants de 3 à 4 ans, avec d'autres enfants du même âge, hein, qui sont super arrogants. Simplement parce que c'est une posture, comme on dit aujourd'hui. On parle beaucoup de posture, avant on n'en parlait jamais. Mais c'est-à-dire, si t'es pas arrogant, t'es nul. Donc il faut être arrogant, et c'est pareil pour les jeunes 18, 20 ans, 30 ans. C'est pour exister socialement, il faut gueuler, il faut écraser les autres, il faut faire voir qu'on a de l'argent. Et donc plus t'es arrogant, et plus t'as des chances de te faire remarquer. Même si c'est négativement, c'est pas grave, ça paraît important. Puis une dernière chose, c'est l'arrogance de nos gouvernants aussi, par rapport au traité transatlantique, par rapport au libéralisme, simplement. Dans tous les pays d'Europe, tous les citoyens ont dit qu'ils veulent pas du libéralisme. Depuis 30 ans qu'on en a, on sait que ça marche pas. On le voit bien tous les jours, ça marche pas. On n'en veut plus. Et pourtant, tous les gouvernants continuent. Mais avant d'être élus, ils sont contre et après ils sont pour. C'est-à-dire tous les traités commerciaux, enfin il n'y a plus que le commerce, l'argent qui compte. C'est une arrogance qui ne se voit pas beaucoup, mais pour moi elle est bien plus destructrice. Alors, je partage beaucoup d'idées que vous avez proposées. En revanche, là où j'aurais peut-être une remarque à faire ou quelque chose à dire, c'est par rapport en fait à la thèse du propos, à l'association d'idées entre arrogance et ignorance. En ce sens que on a ici, moi ça m'évoque un peu la philosophie socratique qui parle de savoir-vertu. Ou même, j'oserais même dire, je reprendrai d'ailleurs la phrase de Socrate qui dit « Nul ne fait le mal volontairement ». Et donc dans cette idée-là, pour reprendre l'exemple de Théodore Monod que vous avez cité, et du sage modeste, ou d'une certaine façon, celui qui aurait la connaissance serait naturellement modeste, tandis que l'ignorant serait lui plutôt porté sur l'arrogance. Et alors moi, cette thèse-là, alors c'est une thèse à laquelle j'ai longtemps cru, peut-être influencé par l'intellectualisme socratique et aussi par la philosophie de Saint-Augustin qui pense que le mal n'existe pas et que ceux qui font le mal le font par ignorance parce qu'ils ont un manque d'être. Et donc si on éclaire ces gens-là, eh bien ils vont devenir modestes et gentils. Et alors moi sur ce point-là, j'ai pris une certaine distance parce que l'expérience de la vie m'a montré qu'il y avait des gens qui incarnaient le mal et qui pourtant avaient des connaissances. En ce sens que, voilà, donc l'association d'idées, moi, me pose question. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont foncièrement mauvais et foncièrement très intelligents et très savants. Et pour moi, le problème, c'est aussi là, c'est comment combattre le mal, voilà. Enfin, du coup, c'est pas forcément l'intelligence, mais en tout cas la connaissance, le savoir. Il y a des très grands sachants qui sont très arrogants aussi. Enfin, moi, c'est aussi la remarque que je voulais faire tout à l'heure. Oui, peut-être. C'est intéressant ce que vous avez dit. Moi, je pour être un peu meilleur dans mon argumentation, un peu plus précis, l'ignorant peut être facilement arrogant à condition qu'il ait du fric, du pouvoir, une grosse voiture, des armes pour envahir le pays voisin, etc. Voilà. Bon, moi, par rapport aux États, mais j'ai beaucoup parlé de l'Europe, hein, je ne veux pas m'acharner sur une seule grande puissance. Moi, quand on voit la vision qu'on a aux États-Unis du Proche-Orient, c'est une vision religieuse. C'est-à-dire qu'ils sont largement à côté de la plaque, parce que la source de leur connaissance, c'est avant tout la Bible, avant d'être une source historique, universitaire, si vous voulez. Enfin, je vais un peu loin avec universitaire, mais voilà, c'est leur forme d'ignorance les aide à être arrogants. Je dis pas que tous les citoyens états-uniens sont arrogants, mais les États-Unis et une partie de la population qui adhère à cette politique. Bon, faut savoir aussi qu'il y a une grande partie de la population qui est totalement contre et violemment. Et d'ailleurs, Donald Trump est en train de jouer là-dessus. Il est en train d'accuser Clinton d'avoir détruit l'Irak, d'avoir créé Daesh, et ce en quoi il a parfaitement raison. Alors qu'il est un bouffon, mais l'argument est valable. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Et par rapport à ce que disait monsieur, je dirais qu'effectivement, là où je vous rejoins un petit peu, je dirais que peut-être l'arrogance, c'est un moyen de défense. On n'a pas forcément d'arguments, ou bien on veut être tranquille. Donc, on coupe un peu le débat, comme a fait monsieur tout à l'heure. Il est venu, il a dit quelques paroles, il est parti parce qu'il avait peur de débattre. Il a jeté ses arguments. C'est une sorte de moyen de défense par rapport au camp auquel il adhère peut-être, ou aux idées auxquelles il s'accroche. Bon, moi, je m'accroche pas à mes idées. Je peux toujours on en discute. Il y a eu des apports intéressants. Et voilà dans quel sens je pense que l'ignorance provoque très largement l'arrogance. Oui, merci pour votre intervention. Je me demandais si on pouvait pas dire, à la limite, l'ignorant qui pense savoir est arrogant. Voilà, parce qu'il y en a plein qui sont ignorants et qui... Enfin, d'ailleurs, comment définir l'ignorance? Enfin je dirais l'ignorant qui pense savoir est arrogant. Et là, je pense typiquement au discours universitaire, parce que... Là, oui. Non, mais quand vous avez parlé au début d'un type de discours, voilà, de prendre le discours de l'autre, de l'ennemi, du coup, ce serait rentrer dans son jeu et finalement lui donner raison. Moi, ça m'a fait penser à autre chose. Et il y a typiquement vraiment... Pourquoi je parle du discours universitaire ? Parce que c'est vraiment un discours dans lequel on peut faire semblant de savoir et l'utiliser comme arrogance. Et finalement, ne rien comprendre de ce qu'on raconte. Utiliser, voilà, sortir les concepts, les mots-clés, comme ça, bim, bim, bim. L'autre en face, il se dit, oula, il a l'air d'y avoir du niveau derrière. Et en fait, on n'a rien dit. Ou alors, recours aux arguments d'autorité. Ah, lui, il l'a dit. Tu dis ça, mais lui, il a dit ça. Le type connu, là, il l'a dit. Bon, il n'y a plus de possibilité, du coup, en face, de pouvoir développer son idée. Ça, le recours aux arguments d'autorité, c'est assez... Et surtout, c'est pas pour quelqu'un qui utilise comme ça un argument d'autorité, donc qui viendrait d'une instance supérieure. Très souvent, puisqu'il cite la personne, il n'a pas lui-même travaillé sur la chose, enfin sur la citation. Sinon, il n'aurait pas besoin de recourir à cet argument pour pouvoir l'expliciter. Donc, je pense qu'en fait, il y a des discours qui sont eux-mêmes, par leur forme, une forme d'arrogance. Enfin, qui, je ne sais pas trop si c'est clair ce que je dis, mais dans la façon dont ils sont structurés, ce sont des discours d'arrogance. Parce qu'ils fonctionnent autour d'un... J'ai encore utilisé le mot semblant, mais leur forme, en tout cas, permet qu'il y ait beaucoup de vide à l'intérieur, mais que je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Enfin, qu'il y ait beaucoup de vide à l'intérieur, mais que ça impose des choses à l'autre, en fait, que ça donne à l'autre le sentiment d'être ignorant, parce qu'il y a ça aussi. Ouais, je sais pas si. Même moi, j'ai compris. Si. Merci. Oui, je pourrais, pour aller dans votre sens, je dirais que comment dire. La personne qui utilise énormément d'arguments de citations, enfin, je suis pas contre les citations, hein, y a des choses très intéressantes, il faut se référer aux gens qui ont bien réfléchi, mais à certains sujets précis. Mais le fait de s'entourer de tout un d'une grande quantité de références fait que déjà qu'on élimine énormément de monde de la discussion. C'est pour ça que, bon, moi qui n'ai pas fait tellement d'études, pas vraiment fait d'études supérieures, j'ai une tendance naturelle et j'y tiens pas mal en fait à partir de mon vécu. Et même de mon introspection, quand je peux, plutôt que d'avoir tout un tas d'arguments qui ont toute une autorité formidable. Donc j'aime bien les idées qui partent de son propre vécu, et j'aime bien aussi les intellectuels qui dégagent un peu toute cette supériorité. Bon, c'est pour ça que j'aime beaucoup les travaux de Michel Onfray en général, par exemple. Juste pour rebondir là-dessus, moi, je fais une formation au CNAM où on part, enfin, au départ de la formation, l'idée, c'est de partir de ces savoirs expérientiels, justement. Enfin, tous nos professeurs nous disent, dès le démarrage de la formation, de partir de ce qu'on a appris sur le terrain en pratiquant. Et ils estiment que tout le monde a des savoirs expérientiels et qu'il faut partir de là et que c'est souvent très, très riche, justement. Moi, je veux juste rebondir sur une chose qui est importante quand même dans ce qu'on dit là en ce moment, c'est l'exemple ne fait pas la règle. Donc les arrogants, les universitaires, les ignorants, non, certains ignorants, certains arrogants, certains universitaires, enfin je sais pas, les universitaires sont pas tous comme la personne précédente l'a décrit. Voilà, même le discours universitaire, il y a des discours universitaires qui sont très bien, qui sont pas arrogants, qui sont quand même des fois plus intéressants que des discours qui sont pas universitaires, voilà, etc., etc. Donc, parce que là, je dis pas les universitaires, ou voilà. Ce qu'il faudrait, c'est, alors on fait une étude sociologique, on regarde sur tous les discours lesquels qui sont plus arrogants que les autres, etc. Mais on fait vraiment une étude sérieuse, ou je sais pas. Et voilà, et l'étude d'ailleurs, une étude sociologique, une étude universitaire, hein. Enfin bon, bref, pour rire. Donc voilà, l'exemple ne fait pas la règle, donc attention à ce qu'on dit, voilà, juste pour faire remarquer ça. Qu'est-ce que je veux dire, ouais, pour rebondir aussi sur ce que disait le collègue tout à l'heure sur Socrate, il disait une chose, c'est « je sais qu'une chose, c'est que je ne sais pas ».« Je sais qu'une chose, c'est que je ne sais pas », disait Socrate. En fait, ce qu'il veut dire par là, quand il dit « je sais qu'une chose, c'est que je ne sais pas », c'est qu'en fait, le savoir commence par l'ignorance de son savoir. Si on croit qu'on sait tout, eh ben, on n'apprendra jamais rien. Voilà. C'est pour ça que Socrate disait « je sais qu'une chose, c'est que je ne sais pas ». C'est que la première connaissance, c'est le savoir de son ignorance pour pouvoir connaître. Voilà. Ça, je pense que c'est un discours de sagesse, c'est un discours très intéressant pour ne pas être arrogant. Voilà. Bien. Oui, c'était juste pour rebondir encore sur les discours. En fait, moi, je le voyais plus comme, surtout selon l'usage qui peut en être fait. Je pense qu'en fait, il y a des discours qui peuvent être arrogants. En fait, je pense qu'un discours peut être arrogant et peut ne pas être arrogant. Ça dépend de la façon qu'il est dit, en fait. Dans le contexte de la personne, de la façon qu'il est fait, je pense que voilà, il peut être arrogant ou ne pas être arrogant. Je pense vraiment que ça dépend de l'usage, en fait. Et du coup, pour revenir sur ce que tu avais dit au tout début, en fait, c'est vraiment, je pense que c'est l'usage des mots, quoi. Voilà, donc je pense vraiment que ça dépend comment on utilise les mots. On peut être arrogant avec les mêmes mots ou ne pas être arrogant avec les mêmes mots. Voilà, tout dépend vraiment du contexte, du ton, etc. Voilà. S'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main. Moi, c'est juste que j'ai pris un peu le train en route quand je suis arrivé. Votre discours était déjà commencé. Je voulais savoir si au départ vous aviez défini l'arrogance. Vous avez fait une définition d'arrogance, voilà. Non, j'avoue que sur le plan de nous, les personnes, de moi-même, c'est pas un sujet auquel j'avais beaucoup réfléchi. Par contre, ça faisait déjà un certain nombre d'années que j'entendais dire fréquemment « les Français sont des gens arrogants, à l'étranger on est perçus comme des gens arrogants » et que j'étais pas tellement d'accord et je percevais que d'autres groupes de personnes, on va dire, se comportaient de façon arrogante. Et sur le plan politique aussi, ça me frappait beaucoup, quoi. L'arrogance des gens qui prétendent, je sais pas, apporter la démocratie, puis qui foutent tout en l'air, qui connaissent rien, qui comprennent rien. C'était un peu plus, voilà, c'était quelque chose de général, les opinions qu'on entend sur les Français, sur d'autres, et l'arrogance politique en général. Je suis parti de là. Et ce qui fait que mon discours a pas énormément creusé l'arrogance. Psychologique, enfin sur le plan personnel. Vous avez vu que j'ai pas tellement développé ça parce que la définition, je l'avais notée dans le petit Robert, ça prend une ligne, quoi. Je sais plus où je l'ai mise parce que ça vient pas au début de mon propos. L'arrogance est une façon d'être agressif, supérieur, agressif par rapport à quelqu'un d'autre. Il y a la notion d'agressivité aussi. Je regardais le débat entre Trump et Clinton. Et je trouvais qu'en fait, par rapport à ce que vous disiez, c'était un assez bon exemple d'arrogance. Où en fait, évidemment, la forme du débat qui fait qu'ils ont que 2 minutes pour parler d'un certain nombre de points et tout, fait qu'évidemment, il n'y a pas de démonstration dans leur idée. Et donc, ils avancent des arguments d'autorité et surtout des attaques arrogantes les uns contre les autres. Et donc, quant à savoir que si cette arrogance découle d'une ignorance. Mais je trouve qu'en fait, là, pour le coup, j'ai tendance à penser que Trump n'est peut-être pas aussi ignorant que les idées qu'il donne, mais alors que ce serait plus une arrogance qui soit en fait, en connaissance de cause, pragmatique, dans le sens où on sait que ça fonctionne, l'arrogance, c'est des choses, c'est des types d'arguments qui fonctionnent, et donc c'est en toute connaissance de cause qu'on utilise l'arrogance. Et donc, en ce sens, elle peut peut-être un peu se démarquer d'une ignorance primaire. Par rapport à Trump, je suis assez d'accord avec vous. On voit bien que c'est une arme très très puissante qu'il utilise. C'est un candidat anti-système. Donc il y va carrément pas avec le dos de la cuillère, là, il y va à la hache. Et ce matin sur France Culture, il y avait une émission très intéressante là-dessus. Je sais plus la tranche horaire, 9h-10h peut-être. Donc elle doit être podcastée si vous voulez l'écouter. Et c'était... je sais pas, une journaliste, j'imagine, qui parlait de lui, et c'était fort intéressant par rapport à cette idée-là. C'est quand même pas n'importe qui, même si c'est un bouffon et qui dit des grosses conneries, et y compris raciste d'ailleurs. Voilà, c'est. Je suis relativement d'accord avec ce que vous venez de dire. Tu voulais prendre la parole ? D'autres gens veulent prendre la parole ? Monsieur ? Non ? Vous voulez. Allez-y, allez-y. C'est par rapport à l'arrogance. Exactement, je trouve qu'il y a beaucoup d'arrogance en ce moment. Comme nous voyons que depuis qu'il y a des attaques en Syrie d'armées russes et excusez-moi, ben, j'aimerais bien dire que ce qu'ils disent dans les médias en ce moment, ça veut dire que tout le monde s'exprime, du coup. On entend parler de la guerre en Syrie qui dure quand même depuis 5 ans. Ils s'expriment, ils nous montrent des films atroces, n'est-ce pas, pour montrer à quel point l'armée russe attaque la Syrie. Je trouve ça très arrogant. J'ai entendu parler aussi en Europe 1, il y avait des professeurs qui s'exprimaient de connaissances des causes par rapport à la guerre en Russie, ça veut dire en Syrie. Et je trouve que c'est très très arrogant parce que envers nous, envers nous tous, le téléspectateur, celles qui suivent cette situation depuis assez longtemps, qui ont eu le temps déjà de se faire des idées. Et c'est très arrogant envers de l'État français et de tout ce qui se passe de nous dire maintenant d'accuser à tel point et vraiment de tous les côtés, par rapport à la radio, par rapport à la télévision, tout ça, à quel point ils accusent maintenant les Russes, n'est-ce pas, de commettre des crimes atroces en Syrie, pendant que nous savons très très bien qui a déclenché la guerre en Syrie, qui a déclenché, qui a armé les djihadistes, qui a fourni des armes d'Al-Nostra. Et je pense que c'est un complot envers la population mondiale de nous mentir à tel point. Et je trouve, j'appelle ça très arrogant. Ça veut dire qu'il nous prend vraiment pour des gens qui vont... croire à tout ce qu'on nous dit, n'est-ce pas, depuis 2 semaines, parce qu'ils sont en train de perdre finalement cette guerre en Syrie. Je crois qu'on va terminer là, on a bientôt terminé. C'est intéressant que vous ayez parlé de la Russie, parce que moi ce que je pense, je l'avais un petit peu pensé en écrivant mon résumé, je pense que les pays de l'Ouest, les pays de l'OTAN, en gros, pour simplifier, n'ont pas changé de logiciel depuis la chute de l'URSS. Quand on parlait de l'URSS avant 89, avant la chute, l'URSS, en gros, c'était le mal. Voilà, c'était simple. Bon, sauf les gens qui étaient partisans, mais la pensée majoritaire, c'était ça. Il y a eu la chute du mur, l'URSS s'est décomposé. Mais le logiciel n'a pas changé, c'est-à-dire qu'on continue de parler de la Russie de la même façon, on continue d'avoir l'attitude qu'on avait envers l'URSS par rapport à la Russie. C'est-à-dire que quoi que fasse la Russie, ça sera toujours mauvais. Bon, moi je ne vais pas défendre ce que fait la Russie, mais j'ai l'impression qu'elle fait à peu près la même chose que ce que font les États-Unis, c'est-à-dire ni plus mal, ni mieux. Et donc tout ça évacue un peu tout ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant, pas seulement sur la Géorgie que j'ai visité au mois d'août, mais sur la Russie par exemple, sur sa culture, sur les Russes, etc. Donc c'est ça qui est regrettable, je pense, dans toute cette arrogance. Alors, dernière question, enfin sauf s'il y en a, enfin, on prend les dernières questions là. Moi, c'était juste pour rebondir ce que disait la dame. Je suis vraiment entièrement d'accord avec elle. Ils ont perdu la guerre, c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont pas contents. Les bombardements des Russes, je rappelle que les Français et les Américains, ils ont bombardé bien avant les Russes et ils en ont fait des dégâts. Seulement, on les montrait pas, les dégâts. Voilà. Tout ce qui s'est passé en Irak, on n'a pas montré. Il y a 1 500 000 morts aussi en Irak. Hein. Sur la Syrie, il y avait les Français et les Américains, ils ont fait que de bombarder. Je rappellerai juste pour terminer un petit propos de monsieur, au moins Poutine il est clair, lui dit il attaque Daesh, lui il est clair, alors que les Américains et les Français ils étaient pas très clairs quoi sur ce qu'ils faisaient exactement quoi. Je rappellerai juste un petit propos pour rebondir sur ce que disait la dame, c'est vrai qu'ils sont pas contents en ce moment, c'est pour ça qu'ils font ça, ils font une espèce de propagande anti-russe en montrant les dégâts des bombardements russes, mais alors qu'ils nous ont jamais montré les dégâts des bombardements américains et français. Je rappellerai juste une petite citation de monsieur comment il s'appelait là, monsieur Fabius. Il a dit exactement ce qu'il a dit. Al Nostra a fait du bon travail. Donc voilà, on voit dans le camp dans lequel étaient les Français pendant la guerre en Syrie. Al Nostra a fait du bon travail. C'est grave, quoi. C'est grave. Voilà. Par rapport à la Libye, BHL, il a dit c'est très bien pour Israël. Donc, où il y a la France dans tout ça? Dernière question. Pour revenir en fait un petit peu à la philosophie politique et à Platon, pour Platon, effectivement, le bien doit nous mener vers le vrai, qui doit nous mener vers le juste. Et cette pensée-là, on la retrouve un peu dans le thème du débat, où il y a une association d'idées entre une vertu morale et une vertu, on va dire, intellectuelle. Mais à partir de Machiavel, il y a un renversement total qui est opéré, puisque Machiavel nous dit que désormais c'est fini. Il y a une autonomie de la politique par rapport à la morale, et on rentre dans l'ère de la réelle politique. Et dans la réelle politique, la morale devient un simple instrument. Et donc la représentation qu'on a aujourd'hui de les politiques, de la géopolitique, avec une approche morale, me semble à des années-lumière de la réalité, qui est clairement machiavélique, où on a des logiques qui sont entièrement amorales. Je dis même pas immorales, mais amorales. C'est-à-dire que la morale ne les intéresse pas. Ils sont simplement dans, les intérêts propres des États, de ce qu'on appelle la raison d'État, ou que sais-je, mais qui n'a rien à voir avec la morale. Et par rapport à l'Europe, je pense que le problème, c'est aussi cela. L'Europe, aujourd'hui, en quelque sorte, est extrêmement puissante sur les niveaux techniques, mais sur le plan moral, il faudrait remettre de la morale dans la politique. Mais ça, aujourd'hui, malheureusement, c'est un vœu pieux. Mot de la fin. Le mot de la fin, oui. Donc très précis sur la dernière intervention, quand même. Je pense que non seulement il est amoral, comme vous l'avez dit, je suis entièrement d'accord avec ça, mais il y a un système d'alliance qui est complètement stupide. En rentrant dans l'organisation intégrée de l'OTAN et en étant allié systématiquement avec les États-Unis dans tout ce qu'ils font, la France s'est tiré une balle dans le pied. Enfin, nos présidents nous ont tiré une balle dans le pied à nous, puisque en Irak, on a créé le monstre Daesh après le précédent, dont j'ai déjà oublié le nom, et on en a subi déjà les conséquences ici à Paris et ailleurs en France, à Bruxelles, etc. Donc le système d'alliance, le fait que d'être amoral et de... Enfin, je sais pas, c'est peut-être tout à fait autre chose, c'est peut-être juste un système d'alliance rigide, ça n'a peut-être rien à voir avec la morale, mais en fait, ce système d'alliance de l'OTAN, la France avec les États-Unis et tous les autres, est totalement contre-productif et très dangereux pour nous, ça a été prouvé, voilà, on le vit en ce moment. Et je pense que, au niveau de la géopolitique, je pense que l'Europe de l'Ouest devrait être alliée avec la Russie, qui fait partie de l'Europe pour une grande partie de son territoire, parce qu'elles ont des cultures proches, et non pas, alliées pas militairement, mais alliées culturellement, etc., le plus possible, et non pas se bloquer avec le système de l'OTAN, qui rejette la Russie toujours dans le camp ennemi, ce qui provoque des catastrophes. Enfin, sans excuser, évidemment, son dirigeant de certaines choses. Merci beaucoup pour cette intervention et ces échanges tout à fait passionnants. Maintenant, on va passer à la prochaine intervention. Donc, c'est Adèle qui va venir nous parler. Alors, il ne faut pas que je fasse...